Bismillah, ve salatu ve selamu ala Rasulillah. Louange à Allah, l'éternel, le glorieux, l'absoluteur, celui qui accepte le repentir de ses serviteurs. Il pardonne les péchés et accepte les excuses. Il a les louanges et la reconnaissance dans la vie et dans l'au-delà. Il témoigne qu'il n'y a de Dieu qu'Allah. Il a mis dans la succession des mois une leçon pour les sages. Et je témoigne que notre maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Ô Allah, nous implorons tes prières et salutations pour notre maître Mohammed, pour les siens, pour ses compagnons et pour ceux qui l'ont suivi jusqu'au jour du jugement dernier. Après ceci, mes chers frères, mes chères sœurs dans la foi et dans l'islam, je vous recommande, comme à moi-même, de craindre Allah et de lui obéir. Car la crainte d'Allah est le meilleur conseil qu'un musulman puisse prodiguer à un autre musulman. Serviteur d'Allah, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Il n'y a que les mécréants qui en désespèrent. Occupez-vous par l'obéissance d'Allah en cette fin de Ramadan. Concluez-le bien. Car ma morale est dans les conclusions. Combien de déviants se sont amendés et obéis à leur Créateur, et la clémence d'Allah les a recouverts. Faites des efforts, Dieu vous bénisse. Faites preuve de grande obéissance. Multipliez les invocations, la lecture du Coran, le repli sur la mosquée et l'imploration de l'absolution. Suivez l'exemple de votre prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le jeûne et l'éveillé aux prières, dans l'aumône, le bien et la piété. Venez vers les obligations d'Allah et rapprochez-vous de lui par la lecture du Coran. Luttez contre vos envies et désirs et réduisez la marge de manœuvre de Satan. Faites du Ramadan un rempart qui vous sépare des péchés et qui vous en protège. Faites que votre mois de Shawwal soit différent de votre mois de Sha'ban. Cela voudra dire que le mois de Ramadan a eu un effet sur vous. Soyez de vrais musulmans, des croyants sincères qui adorent Allah à tout moment, jusqu'à ce que vous soyez de ceux qui écoutent un conseil et le suivent au mieux. Ne soyez pas de ceux qui jeûnent le Ramadan, qui font leur sainte prière et adorent Allah et le craignent, et dès que le mois de Ramadan se termine, ils retournent à la mauvaise voie et à la désobéissance. Du jour au lendemain, ils changent. Ils s'égarent après avoir été sur la bonne voie. Ils remplacent les bonnes actions par les mauvaises. À cela, il faut dire, Allah le Tout-Puissant, que vous vénérez pendant le Ramadan est toujours là. Après le Ramadan, il est éternel, et dans la vie, il la reprend, il peut tout faire, il est omnipotent. Si vous vénériez le Ramadan, et si vous l'adoriez, lui, en tant que moi, le Ramadan, sachez qu'il vient et s'en va, et qu'il ne fait rien pour lui-même, ni en bien, ni en mal. Alors, vénérez Allah en pratiquant votre religion avec sincérité et dévotion. Craignez Allah en toutes circonstances. Il sait tout de vous, paroles et actes. Bienheureux celui qui a bien jeûné, qui a veillé ses nuits en prière, et s'est évertué à le glorifier et à le respecter. Et malheur à celui qui a mal jeûné, et qui a mal prié et veillé, et qui a passé son Ramadan entre amusement et sommeil. Alors, rattrapez-vous. Le peu de jours qui vous reste, repentez-vous. Allah aime ceux qui se repentent. Rendez visite à vos familles et vos amis, aux veuves, aux orphelins et aux pauvres. L'Aïd qui s'approche et qui marque la fin du Ramadan est le sommet de la charité. Et la zakat dont vous devez vous acquitter purifie celui qui s'en acquitte et nourrit celui qui la reçoit. Seigneur, accepte de nous nos actions. Puis celui qui entend et qui sait,